lâche amour le honteux souvenir et sois digne de ta naissance. Ne nous fais plus rougir, et préfère du moins à l'amour d'un seul homme la gloire de ton sang et la terre de Rome. Rome est libre. Il suffit. Rendons grâces au Dieu.